Les Frustrés, adapté de Clabrotéché par Christelle Wurmser. Le repos du cadre. Alors, un whisky glaçon pour monsieur. Merci. Et un Perrier Rondelle pour madame. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Dis donc, t'as bronzé. Ouais, j'étais dans l'Indre. Qu'est-ce que t'as été faire dans l'Indre? Un stage de créativité. Payé par la boîte, mais vachement bien. Une espèce de manoir aménagé, super luxe. Très chouette. Ah ouais. Et ça a consisté en quoi, ce stage? Bah, le premier jour, on t'apprend à te concentrer et à te déconcentrer. Mm-hmm. Par la respiration, tu vois. Mm-hmm. Tu t'allonges, t'as une petite musique, tu te décontractes et puis tu respires. Par le ventre, tu vois. Ouais. Inspire, expire, tout ça. Après, tu vas bouffer. Après, t'as des débats sur le créatif, mais très libre, hein. Des débats pas du tout directifs. T'es en cabine individuelle, avec des écouteurs, tranquille. Tu participes que si ça te vient, sinon t'es pas obligé. On vient pas te forcer à avoir une idée, c'est toi qui vois. Mmh. Alors, t'es dans ta cabine, t'écoutes. Après, tu bouffes. Tu te détends. Il y a un bar. Oh, sympa. Et le deuxième jour, on te projette des couleurs sur un écran télé. Ouais. Quand ça t'évoque quelque chose, t'appuies sur une touche. Par exemple, si ça t'évoque un oiseau, bah t'appuies sur la touche O. Ça détermine une autre série d'images, et ainsi de suite. Mm-hmm. Après, on va bouffer. On bouffe vachement bien, d'ailleurs. Une très bonne case. Il se passe tout un tas de trucs. Il y a des tables rondes avec des artistes connus, très sympas. Il y avait, comment il s'appelle, ce type déjà. Oh, je sais plus son nom, mais très sympa. Ils t'expliquent comment ils trouvent leurs idées et tout ça. Tu bouffes avec eux. Des contracts. Tu vois, ils se prennent pas la tête. Mmh, sympa. Mmh. Ceci dit, on bosse pas toute la journée. Il y a beaucoup de temps libre. Il y a une discothèque, une salle de projection, un auditorium. C'est bien foutu. On est dans un parc assez chouette, piscine, sauna. Ça, j'ai pas fait. C'est pas mon truc. Il paraît que c'était marrant. On bouffe bien. Il y a des chevaux. Il y a des hôtesses. Pas mal. Ah ouais? Ça doit coûter chaud à la boîte, j'imagine. Enfin, si ça peut donner des idées pour la promotion du sanitaire en France, moi je veux bien, c'est pas mon problème. De toute façon, moi, en ce moment, je ne pense qu'à une seule chose, les vacances. Ah, et toi, ça va? Contre-culture. Moi, cet été, j'emporte tout Proust. Ah oui. Je profite toujours des vacances pour relire un auteur à fond. Oui, et moi aussi j'aime bien faire ça. Pendant l'année, avec tout ce qu'on a à lire, on n'en sort pas. On se perd dans mille choses. Oh. Ouais, c'est vrai. Déjà rien qu'avec le monde. Ah, pour moi c'est la seule façon de me récupérer vraiment. L'été dernier par exemple, j'ai relu tout Zola. C'est une bonne formule. Moi cette année j'hésite entre Michaud et Lacan. Prenez Michaud. Moi, qui ne suis pas une intellectuelle, je me régale avec Stendhal. Stendhal, ouais, c'est valable. Non, je vous assure, Michaud est plus adéquat pendant les chaleurs. Vous vous souvenez de ce passage dans Plume Le passage que je préfère dans Plume, c'est quand la reine le minume. Magnifique, je réalise, n'est-ce pas? Remarquez. S'il me reste du temps, je relirai Barre. Oh, mmh. Ah oui, moi j'ai une admiration pour Barre qui confine à l'adoration. Mmh. Oui, Barthe. Mmh. Je vais prendre Illich aussi. À la relecture, on dépasse cet abord un peu systématique. Mmh. Je suis d'accord, mais vraiment, je le trouve pas très piscine, lui. Oh, mais passionnant, Illich. Le monopole radical, autonomie, hétéronomie. Moi, j'emporte tout Guy Descartes et tous mes albums de Placide et Musso. Gérard, tu n'es absolument pas drôle. Hein. Excellent. Excellent. Ça c'est drôle, hein. Guy Descartes. Est-ce que c'est amusant? Vous me prêtez? Placide et Musso. Il aurait pu mon fils. Il passe son temps à dévorer tes bêtises. Placide et Musso. Mais Guy Descartes. Ça, vous avez raison, c'est le bon pont. Vous m'en voudrez pas, mon vieux, si je ne pars pas en vacances avec vous. Les Frustrés, adapté de Clabrotéché par Christelle Wurmser. Le repos du cadre, avec Ingrid Donadieu, Julien Cibre et Nicolas Tarin. Contre-culture, avec Guylaine Londez, Jean-Pierre Malot, Raphaël Ingoupillo, Clotilde Morgiève, David Jesselson et François Sienner. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.